إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله الذي رفع من شأن العلماء العاملين فقال في كتابه المبين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عباد الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى وتعلموا من العلم ما تعرفون به ربكم ويستقيم به دنياكم ودينكم وتستنير به قلوبكم وتصلح به دنياكم وآخرتكم لأن العلم نور يخرج به من الظلمات لأن العلم نور يخرج به من الظلمات وتزول به الشبهات وتستقيم به الأعمال فإن العمل بلا علم ضلال ووبال وفضائل العلم كثيرة أعظمها معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومنها أن العلم طريق إلى الله وإلى جنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر سافت الله كني الله Et faites la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a élevé le degré des savants qui agissent selon leur science. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? Serviteurs d'Allah, apprenez de la science, de l'islam, ce par quoi vous allez pouvoir adorer votre Seigneur et par lequel vous pourrez rendre votre religion droite. Et par lequel vos cœurs pourront être illuminés, et par lequel vous pourrez réformer les affaires de votre vie d'ici-bas et les affaires de votre au-delà. Parce que la science est une lumière qui fait sortir des ténèbres, et qui élimine les ambiguïtés, et qui corrige et qui redresse les actions. Et toute action qui est faite sans science, eh bien c'est une action qui est faite dans l'égarement. Et sachez que pour la science, lorsqu'on cherche la science de la religion, il y a pour ça beaucoup de mérite, et il y a beaucoup d'avantages et de choses bénéfiques qui en découlent et qui en ressortent. Parmi les plus grandes et les plus importantes des choses qui découlent de la science et de l'apprentissage de la religion d'Allah, il y a le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Et également, lorsque tu apprends la science de l'islam, eh bien, c'est un chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers son paradis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cherche un chemin par lequel il apprend la science de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Et les anges battent leurs ailes pour la personne qui recherche la science de la religion, par satisfaction pour ce qu'il fait. Et le savant, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre demande pardon pour lui, même les poissons dans l'eau. Et le mérite du savant sur l'adorateur qui adore Allah sans science est comme le mérite de la lune lors d'une nuit de pleine lune sur toutes les autres étoiles. Et les ulama sont les héritiers des prophètes. Et les héritiers ne laissent pas en héritage de l'or ou de l'argent, mais ils laissent uniquement en héritage la science qui vient d'Allah. Alors celui qui prend cette part de l'héritage, alors il a pris la plus grande et la plus importante de toutes les parts. وفيه الحث على السعي في طلب العلم وذلك بالسفر إلى أهل العلم حيث كانوا وبحفظه وكتابته وتدوينه فقد كان السلف يرحلون المسافات الطويلة لطلب حديث واحد وكان أحدهم يرحل إلى من دونه في العلم والفضل لطلب شيء من العلم عنده لم يبلغه وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل المزيد من العلم قال تعالى وقل رب زدني علما فلم يسأل ربه الزيادة من شيء إلا من العلم ومهما بلغ الإنسان من العلم فهناك من هو أعلم منه قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم وقال الحسن البصري رحمه الله ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل وفي حديث أبي الدرداء دليل على أن الجنة لا يوصل إليها إلا بالعلم النافع والعمل الصالح فمن طلب الجنة بذلك فقد طلبها من أيسر الطرق وأسهلها سيرفيتور الله sachez également que donc dans ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons mentionnées, il y a une incitation à partir pour rechercher la science de l'islam et apprendre la religion de l'islam. Apprendre la religion, apprendre le fiqh, apprendre le tafsir, et avant tout apprendre la aqida, apprendre la langue arabe, apprendre mustalah al-hadith, apprendre le Coran, apprendre la sunna, toutes ces sciences de la religion qui nécessitent beaucoup d'années à étudier et à apprendre pour les maîtriser. Et la façon dont on peut apprendre ces sciences et comment on peut apprendre notre religion correctement, bien entendu, c'est de faire des voyages vers les savants et vers les hommes de science, peu importe où ils se trouvent dans le monde, et d'aller chercher la science des savants. Et en mémorisant la science et en l'écrivant et en la rassemblant. Et il faut se souvenir également que nos pieux prédécesseurs parmi les Sahaba et ceux qui les ont suivis également dans cet exemple, parmi les ulama des tabi'in et de ceux qui les ont suivis, ils ont fait de longs voyages pour acquérir de la science et parfois pour avoir un seul hadith, ils faisaient des longs voyages de la Mecque jusqu'en Irak et de l'Irak jusqu'en Syrie et de la Syrie jusqu'en Égypte et de l'Égypte jusqu'au Yémen. Pour avoir un seul hadith, parfois. Donc, on voit les efforts que ces hommes-là ont fait dans la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a jamais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'être augmenté en quoi que ce soit, excepté en science. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, et dit, oh mon Seigneur, augmente-moi en science. Et donc, il n'a demandé d'être augmenté en quoi que ce, il n'a pas demandé à Allah d'être augmenté en quoi que ce soit, pas en argent, pas en bien, pas en richesse, mais il a demandé d'être augmenté en science. Et peu importe le niveau que quelqu'un peut atteindre dans la science, il y aura toujours quelqu'un plus savant que lui. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie et au-dessus de tout détenteur de science, il y a un savant qui est plus savant que lui. Et l'imam Al-Hassan Al-Basri, parmi les tabi'in, il a dit qu'il n'y a pas une science, excepté qu'il y a un savant dans cette science qui en sait plus jusqu'à ce que ça termine à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Alim, qui a la science sur tout, de toutes choses et au-dessus de tous. Et Abu Darda, dans son hadith qu'on a mentionné plus tôt, il nous explique que le chemin vers le paradis, c'est la science. Et il n'y a pas d'autre chemin vers le paradis que le chemin de la science. La science bénéfique et les bonnes œuvres. Donc celui qui recherche le paradis par autre que la science, eh bien, il s'égare du droit chemin. Comme certains, par exemple, parmi les soufis, qui pensent qu'ils peuvent atteindre le paradis et se rapprocher d'Allah sans rechercher la science du Coran et de la Sunna. Et qu'ils peuvent acquérir une science uniquement en s'assoyant et en faisant des actes d'adoration ou des méditations ou des choses de ce genre. Et ils pensent que la science va s'écouler sur lui comme ça par magie. Et bien entendu, ça c'est une voie vers l'égarement. Donc pour avoir la meilleure science et pour aller au paradis, eh bien il faut chercher la science avec les ulama de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama al-ilmu bit-ta'allum ». C'est-à-dire que tu ne peux pas apprendre la religion, tu ne peux pas avoir de science dans la religion excepté en étudiant cette science. Et en l'étudiant bien entendu, c'est-à-dire en l'étudiant auprès des ulama de l'islam et des savants de la religion. ومن سلك طريقا يظنه طريق الجنة بغير علم فقد سلك أعصر الطرق وأشقها ولا يصل إلى مقصوده مع تحمله المشاق فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهو الدليل عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبهات والشكوك وقد سمى الله كتابه نورا يهتدى به في الظلمات قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وفي حديث أبي الدرداء أيضا أن العلم الذي يمدح أهله ويسمون العلماء حقيقة هو العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل حيث قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر فكل مدح وثناء جاء في الكتاب والسنة للعلم والعلماء فالمراد به علماء علم الأنبياء وحملته من العلماء المؤمنين العاملين به قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات فقال صلى الله عليه وسلم إن مثل الأنبياء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدات رواه الإمام أحمد في مسنده سابت هذا الله celui qui cherche la science par autre que son chemin et qui pense que en cherchant la science par autre que son chemin ou celui qui recherche le paradis par autre que la science, eh bien, il a cherché la voie la plus difficile. Et il n'arrivera jamais à son objectif, même s'il supporte beaucoup de difficultés pour y arriver. Il n'arrivera jamais à destination. Il n'arrivera jamais à destination parce qu'il n'y a pas de chemin vers le paradis excepté la science. Et il n'y a pas de chemin vers la connaissance d'Allah et vers l'atteinte de la satisfaction d'Allah et du succès d'être rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être près de lui dans l'au-delà, excepté en recherchant la science bénéfique par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ses livres. Et c'est ça qui est la preuve. C'est ça qui est la preuve de la guidance. Et c'est par cette science qu'on peut être guidé dans les ténèbres de l'ignorance et dans les ténèbres des ambiguïtés et des doutes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a nommé son livre. En parlant de son livre, il a dit que c'était une lumière par laquelle il guide les hommes dans les ténèbres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie « Il vous est certes venu de la part d'Allah une lumière et un livre clair qui Allah par celui-ci guide ceux qui le suivent vers son agrément et les chemins de la paix. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et les guide vers un droit chemin. » Et dans le hadith de Abu Darda qu'on a mentionné au sujet de la science et le chemin de la science qui mène au paradis, il y a la mention et la clarification d'une chose très importante. Et c'est que la science que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifiée et dont il a glorifié ceux qui la possèdent, ce sont eux qui sont réellement les savants et les ulama. Et c'est ceux qui détiennent la science de la sharia d'Allah, la science du Coran et la science de la sunna qui a été par laquelle ou avec laquelle sont venus les messagers d'Allah. Et non pas les sciences de la dunya et les scientifiques comme on les appelle. Donc il faut comprendre que toute science qui est glorifiée dans le Coran, c'est pas les sciences de la dunya, mais c'est la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science par laquelle on peut connaître Allah, la science par laquelle on peut connaître comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, la science par laquelle on peut savoir ce qui est bien et ce qui est mal, la science par laquelle on peut distinguer entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est halal et ce qui est haram. Toutefois, toute autre science que tu acquiers dans cette vie d'ici-bas parmi les sciences de la dunya, eh bien sache que cette science ne peut pas te guider sur le droit chemin parmi les chemins de l'ignorance. Et il ne peut pas te montrer ce qui est halal de ce qui est haram. Et elle ne peut pas te montrer ce qui est pur de ce qui est impur. Et elle ne peut pas te guider parmi les différentes voies d'égarement. Et toute autre science, si tu amènes cette science avec toi, et que tu arrives devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, eh bien cette science ne pourra pas te sauver de l'enfer. La seule science qui peut te sauver de l'enfer, c'est pas les mathématiques, c'est pas la physique, c'est pas la chimie, c'est pas la biologie, c'est pas l'astrophysique, c'est pas toutes les autres sciences que les hommes ont découvert en étudiant la création d'Allah. Ça, c'est juste une partie infime de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux hommes comme science. La vraie science, celle que tu ne peux obtenir excepté en la cherchant auprès des héritiers des prophètes, c'est la science à propos d'Allah, la science à propos de sa religion, la science à propos du ghaib, la science à propos de l'invisible et de l'inconnu. C'est la science qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala à ses messagers et qui a été révélée dans les livres. Et c'est par cette science-là qu'on peut être guidé dans les ténèbres de l'ignorance. Et donc, quand Allah fait l'éloge de la science et quand Allah fait l'éloge des savants dans le Coran et dans la Sunna, c'est uniquement les hommes de la science de la sharia d'Allah qui ont étudié la religion d'Allah, qui ont étudié le tawhid d'Allah, qui ont étudié les règles et les principes de la religion de l'islam, et pas aucune autre science. Et donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les ulama sont les héritiers des prophètes? Il mentionne dans un hadith, et il explique qui sont les ulama, et il nous dit que les ulama sont les héritiers des prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont hérité de leur science. Parce que les prophètes n'ont pas laissé en héritage de l'or ou de l'argent, mais ils ont uniquement laissé en héritage une science, c'est-à-dire la science de la religion, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui prend cette science, il a pris la part la plus importante. Une fois, à l'époque des sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira est sorti de la mosquée et il a dit aux gens, qu'est-ce que vous faites dehors alors que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être distribué dans la mosquée maintenant? Alors les gens se sont affolés et se sont tous accourus à l'intérieur de la mosquée et ils ont laissé toutes leurs transactions et leurs activités parce qu'ils voulaient tous obtenir justement la part de cet héritage qui avait été laissé. Et donc quand ils sont rentrés dans la mosquée, ils ont vu des gens assis en train d'étudier l'islam, d'étudier le Coran, d'étudier la sunna, d'étudier la aqida, d'étudier le fiqh, d'étudier le tafsir et d'étudier les différentes sciences de l'islam. Et ils sont ressortis et ils ont dit à Abu Huraira, et à Abu Huraira, on est rentré dans la mosquée, on n'a pas vu d'argent, on n'a pas vu d'héritage distribué, on a seulement vu des gens qui enseignent l'islam et qui apprennent l'islam. Abu Huraira, radiallahu anhu, leur a dit, eh bien c'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette science, et elle est plus importante, et c'est une plus grande richesse que tous les biens que quelqu'un pourrait accumuler. Malheureusement, les gens ont négligé cet héritage et ne lui ont pas donné d'importance. Allahu al-musta'an, illa man rahim Allah. Fa kullu madhin wa thana ja'a fi al-kitab wa sunnah lil 'ilm wal 'ulama fal murad bihi 'ulama ya'ni al-islam wa 'ilm al-anbiya wa hamalatihi min al-mu'minin al-'amilin bihi. Donc toute science que vous trouvez dans le Coran et dans la sunna à propos de la science, tout éloge et glorification que vous trouvez dans le Coran à propos de la science, c'est à propos de la science de l'islam, de la science qui a été laissée par les prophètes et par leurs héritiers, parmi les croyants qui appliquent la science. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que il a certes témoigné Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. De même que les anges ont témoigné de cela aussi et de ceux qui détiennent la science. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné de son unicité et que seulement lui mérite d'être adoré. Et il a mentionné parmi ceux qui témoignent de cela aussi les anges. Et parmi les hommes, il n'a mentionné personne excepté ceux qui détiennent la science parmi les ulamas. Et il mentionne également que c'est seulement les ulama qui craignent réellement Allah. Et il mentionne dans un autre verset ce qui signifie, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est-à-dire ceux qui savent la religion d'Allah, et qui connaissent la religion d'Allah, et qui craignent réellement Allah, et ceux qui ne connaissent pas. Donc même si quelqu'un est un docteur en médecine, docteur en mathématiques, docteur en chimie, docteur en physique, peu importe, docteur en médecine nucléaire, s'il ne connaît pas la science qui vient d'Allah et qui a été laissée au messager d'Allah, qui a été révélée par Allah au messager, quelqu'un qui n'a pas cette science-là, en réalité, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un jahil, c'est un ignorant. Même s'il a toutes les sciences de la dunya, s'il a les plus gros diplômes de la terre, même s'il réunit une dizaine de doctorats, s'il n'a pas la science qui vient d'Allah, la science qui a été donnée au messager d'Allah, la science à propos d'Allah, la science à propos de ses noms, la science à propos de ses attributs, la science à propos de comment l'adorer, la science à propos de ce qui est halal et de ce qui est haram, la science à propos de qu'est-ce qui est pur et de ce qui est impur, la science à propos de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, eh bien, en réalité, cette personne est un ignorant. Même s'il rassemble toutes les sciences de la dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné également que la science, elle est comparable aux étoiles dans le ciel par lesquelles les voyageurs peuvent se guider dans les ténèbres de la nuit. Et il dit, l'exemple des ulama, c'est comme les étoiles qui sont dans le ciel, par lesquels on peut être guidé dans les ténèbres de la terre et de la mer. Et lorsque les étoiles s'éteignent, eh bien c'est clair que les voyageurs risquent de s'égarer. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Wa qala al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah wa hadha mathal fi ghayat al-mutabaqa لأن التوحيد والعلم بالله وأحكامه وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس وإنما يعرف بالدليل وقد بين الله ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله فالعلماء بما أنزل الله على رسله هم الأدلة على الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال فإذا فقدوا ضل السالك وقد شبه الله بالعلماء أو شبه الله العلماء بالنجوم والنجوم فيها ثلاث فوائد يعني يهتدى بها في الظلمات هذا واحد وهي زينة للسماء وهذا الثاني وهذا العلم رجوم للشياطين الذين يسترقون أو يستسرقون السمع يستسرقون السمع فهذا رجوم لهم يعني رجوم للشياطين فالعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة بهم يهتدى في الظلمات وهم زينة للأرض وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى وبقاء العلماء ببقاء حملته وبقاء العلم ببقاء حملته فإذا ذهب حملته وقع الناس في الضلال كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد أو من صدور الرجال ولكن يذهب العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فتبين بهذا أن الذين يستحقون أن يسموا بالعلماء هم علماء الشريعة لأن العلم الحقيقي هو العلم الذي جاءت به الرسل لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فهم الذين ببقائهم في الأرض مصلحة العباد والبلاد وبفقدهم تفقد الأرض زينتها وبفقد أهل الأرض ما يهتدون به في ظلماء الجهل والشبه والشكوك يعني وبفقد أهل الأرض من يهتدون به في ظلماء الجهل والشبه والشكوك ويتسلط شياطين الإنس والجن على إغواء الناس ولا يجدون من يرجمهم بثواقب الحجج العلمية التي تبطل كيدهم وتضحد حجتهم وقد صار اليوم كثير من الناس يطلقون العلم على النظريات الحديثة في الطب والاختراعات والصناعات ويسمون المخترعين والمفكرين في النظريات الحديثة بالعلماء حتى صار لفظ العلم والعلماء لا يطلق عند هؤلاء إلا إلى هذه الأشياء وأصحابها وأما العلم الشرعي فلا يسمونه علما ولا يسمون أصحابها بالعلماء حتى لقد سمعنا أن منهم من يستنكر تسمية المعاهد التي تدرس فيها العلوم الشرعية واللغة بالمعاهد العلمية لأن لفظ العلم يراد به عندهم نظريات العصر وتقنياته حتى إن أحدهم إذا أراد أن يمدح الإسلام أو القرآن قال إنه لا يتعارض مع العلم وكأن الإسلام شيء والعلم شيء آخر بل بلغ الأمر ببعضهم أن يفسر القرآن بالنظريات الحديثة ومنجزات التقنية المعاصرة ويعتبر أن هذا فخر للقرآن حيث وافق في رأيه هذه النظريات ويسمي هذا بالإعجاز العلمي وهذا خطأ كبير لأنه لا يجوز تفسير القرآن بمثل هذه النظريات والأفكار وهذا خطأ كبير لأنه لا يجوز تفسير القرآن بمثل هذه النظريات والأفكار لأنها تتغير وتتناقض ويكذب بعضها بعضا والقرآن حق ومعانيه حق لا تناقض فيه ولا تغير في معناه أو في معانيه مع مرور الزمن أما أفكار البشر ومعلوماتهم فهي قابلة للخطأ والصواب وخطأها أكثر من صوابها وكم من نظرية مسلمة اليوم تحدث نظرية تكذبها غدا فلا يجوز أن تربط القرآن بنظريات البشر وعلومهم الظنية والوهمية المتضاربة المتناقضة سابت الله التوحيد et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les sciences que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné, hein, comme on a lu dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, à propos des ulama et du fait que la science qu'ils ont sont comparables aux étoiles dans le ciel. Eh bien, la science du tawhid et la science d'Allah et des règles de la religion, c'est des sciences qu'on ne peut pas apprendre par les sens. C'est des choses qui sont limitées, hein, au rêve. C'est des choses qui font partie du rêve. Parce que les sciences de la dunya, c'est des choses qu'on peut connaître par nos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, hein, ça c'est la limite de la connaissance des hommes. Les cinq sens. Mais qu'est-ce qui est au-delà de ces cinq sens? Tu ne peux pas le connaître, excepté si ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Excepté si ça vient de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là que la vraie science est la science qui vient des messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à ses messagers, il l'a clarifié dans les livres. Et donc, les ulama sont ceux qui ont reçu la révélation, qui ont reçu la science qui vient de la révélation que Allah a donnée à ses messagers. Et c'est eux qui guident les hommes dans les ténèbres de l'ignorance et des doutes et de l'égarement. Et si les hommes perdent cette science et perdent ces ulama, eh bien, c'est comme s'ils perdaient les étoiles dans le ciel durant la nuit. Et la comparaison qu'on a donnée aux étoiles, pourquoi elles sont une guidance, hein, c'est parce qu'elles guident dans les ténèbres de la nuit. Et en même temps, les étoiles embellissent le ciel et elles lapident, hein, les diables. Eh bien, les ulama sont pareils. Les ulama guident les hommes dans les ténèbres. Et ils sont une parure et un embellissement pour la terre. Et ils lapident les diables parmi les hommes et les djinns qui mélangent la vérité et le faux. Et ils les réfutent par la science qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et clarifient la vérité de ce qui est faux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette science ne va pas disparaître par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala la retire de la poitrine des hommes. Mais cette science va disparaître par la mort des hommes de science et par la mort des ulama. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de ulama. Alors dans ce cas-là, les gens prennent des têtes, ou prennent comme à leur tête des ignorants, et ils leur posent des questions dans la religion, et ils répondent sans science. Alors ils s'égarent et ils égarent les autres avec eux. Approchez-vous un peu. Et donc, cette science, tant qu'elle reste, eh bien la guidance reste. Mais lorsque cette science disparaît, ainsi que ceux qui la portent, eh bien les hommes restent dans l'égarement. Et donc on comprend par cela que ceux qui méritent réellement d'être appelés des ulama, ce sont ceux qui détiennent la connaissance de la charia d'Allah. C'est eux qui ont la vraie science et qui sont les vrais ulama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Et donc, parmi les ulama, le cheikh Saleh al-Fawzan a expliqué que c'est par la connaissance de l'islam et des ulama de l'islam que les hommes et les pays connaissent le bien. Et lorsqu'ils perdent cette science qui est une parure et un embellissement pour la terre, eh bien, les hommes restent dans l'ignorance et dans les ténèbres. Et les diables parmi les hommes et les djinns prennent le dessus sur les êtres humains et les égarent. Et donc, ils ne trouvent personne pour les réfuter. Réfuter les diables et réfuter les gens qui mentent à propos d'Allah. Et donc, il est très important donc que les gens comprennent que la réalité de la science, ce n'est pas ce que les gens appellent aujourd'hui comme les différentes théories scientifiques en médecine ou dans les différentes sciences modernes que les gens ont inventées à notre époque. Ils pensent que les vrais ulama sont ceux qui détiennent la connaissance de ces théories scientifiques modernes, à un tel point que certains pensent que yani, on doit uniquement appeler les savants ceux qui connaissent ces différentes théories, et que la science de la charia pour eux ne mérite pas d'être appelée une science, même qu'ils ne les appellent même pas des ulama. Et on a entendu certains d'entre eux même qui refusent qu'on appelle les instituts ou les universités dans lesquelles on enseigne la science de l'islam, ils refusent qu'on les appelle des instituts scientifiques. Parce que pour eux, la science c'est uniquement qu'est-ce qu'ils ont appris dans les théories contemporaines et les théories modernes. Et certains vont même essayer de glorifier l'islam et le Coran en disant que ce n'est pas en contradiction avec la science. Comme si l'islam c'était une chose et que la science était quelque chose d'autre. Alors que la vraie science c'est la science de l'islam. Et certains vont même jusqu'à essayer d'interpréter le Coran par les différentes théories modernes. Et ils appellent cela les miracles scientifiques. Et donc ça c'est une grave erreur. Parce qu'on n'a pas le droit d'interpréter le Coran par ces différentes théories modernes. Puisque ces différentes théories, aujourd'hui elles sont prouvées et demain elles sont réfutées. Tandis que les sciences du Coran et les significations du Coran, elles ne changent pas et elles sont toujours vraies. Et donc d'essayer d'interpréter le Coran par ces différentes théories, eh bien c'est quelque chose de, yani, qui amène les hommes à l'égarement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وتفسير القرآن العظيم له قواعد معروفة لدى علماء الشريعة لا يجوز تجاوزها، وتفسير القرآن بغير مقتضاها لا يجوز. والقواعد التي يفسر بها القرآن هي التالية: أن القرآن يفسر بالقرآن، فما أجمل في موضع منه فصل في موضع آخر، وما أطلق في موضع قيد في موضع آخر، وما لم يوجد في القرآن تفسيره فإنه يفسر بالسنة، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة شارحة للقرآن ومبينة له. قال تعالى لرسوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما لم يوجد تفسيره في السنة فإنه يرجع فيه إلى تفسير الصحابة، لأنهم أدرى بذلك لمصاحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمهم على يديه وتلقيهم القرآن وتفسيره منه. حتى قال أحدهم: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعرف معانيهن ونعمل بهن. وما لم يوجد له تفسير عن الصحابة فكثير من الأئمة يرجع فيه إلى أقوال التابعين لتلقيهم العلم عن الصحابة، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمهم القرآن ومعانيه على أيديهم. فما أجمعوا عليه فهو حجة، وما اختلفوا فيه فإنه يرجع فيه إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن. وتفسير القرآن بغير هذه الأنواع الأربعة لا يجوز. فتفسيره بالنظريات الحديثة من أقوال الأطباء والجغرافيين والفلكيين وأصحاب المركبات الفضائية باطل لا يجوز. ولهذا يعني هذا تفسير للقرآن بالرأي، وهو حرام شديد التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. Serviteur d'Allah, et pour terminer cette khutbah, il est important de mentionner que l'interprétation du Coran est reliée à des règles bien connues par les ulama de l'islam et de la sharia, et il n'est permis à personne de dépasser ces règles dans l'interprétation du Coran. Et ces règles sont les suivantes. Premièrement, le Coran est interprété par le Coran lui-même. Ce qui a été mentionné de façon générale dans un verset a été spécifié dans un autre. Et donc, on trouve l'explication de certains versets du Coran dans d'autres versets du Coran. Et ce qui n'est pas expliqué du Coran par le Coran, eh bien, cela est expliqué par la Sunna. Et donc, on retourne à l'interprétation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam clarifie le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie à son messager: nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu expliques aux hommes ce qui a été révélé sur eux et pour qu'ils puissent se souvenir. Et ce qu'on ne trouve pas dans la Sunna comme explication du Coran, eh bien, pour le comprendre, on retourne à l'interprétation des Sahaba et leur explication, parce qu'ils connaissent mieux le Coran et ils ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont été témoins de la révélation et ils ont appris directement du messager sallallahu alayhi wa sallam le Coran et son interprétation. Et comme ils ont mentionné eux-mêmes, nous ne dépassions pas 10 versets avant d'avoir compris leur signification et avant de les avoir appliqués. Et ce qu'on ne trouve pas comme interprétation du Coran dans les paroles des Sahaba, eh bien, plusieurs des ulama de l'islam et des imams de la religion retournent aux paroles des élèves des Sahaba, parce qu'ils ont pris leur science directement des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre le Coran et ses significations directement des compagnons, des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, s'ils sont tous d'accord sur quelque chose, c'est une preuve. Toutefois, s'ils divergent sur quelque chose, eh bien, dans ce cas-là, on retourne entre les paroles des tabi'in, on la ramène à la connaissance de la langue arabe dans laquelle le Coran a été révélé, l'arabe classique. Et donc, l'interprétation du Coran est par ces quatre méthodes. Le Coran par le Coran. Le Coran par la Sunna. Le Coran par la parole des Sahaba. Le Coran par la parole des Tabi'in. Et si on ne trouve pas une interprétation dans ces quatre exemples, eh bien, on retourne à la langue arabe classique pour comprendre la signification du Coran. Et non pas aux paroles des docteurs ou des géologues ou des astrologues ou des gens qui vont dans l'espace comme les astronautes ou des choses de ce genre. C'est pas par ça qu'on doit interpréter le Coran, parce que d'interpréter le Coran par sa propre opinion est haram et c'est une interdiction sévère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui parle à propos du Coran selon son opinion ou selon ce qu'il ne sait pas, alors il a préparé sa chaise en enfer. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Les talons avec les talons, les épaules avec les épaules, ne laissez pas d'espace dans vos reins. Allahu Akbar. Allahu Akbar.